Il a attendu 10 secondes, quoi. Normalement, il est déjà en train d'arriver, mais bon, tu peux commencer. Bien après. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Je vais vous faire une petite introduction en français uniquement. Après le cours, il sera plus en arabe. Et je vais dire pourquoi. يعني, ce sera en français. Vous allez comprendre, Charles Bin, là, le sens en français. Là, il y aura beaucoup de mots en arabe. Pour la seule raison, je suis incapable de traduire. Et je n'ai pas eu beaucoup de temps pour revoir les bouquins et voir la bonne traduction. Mais j'aimerais bien rappeler une chose. Que moi, je ne suis pas un talib. Déjà, ça, il faut que les frères mettent ça bien en tête. Je suis comme tous les frères en France. Alhamdoulilah, Allah Ta'ala, il nous a guidés vers la bonne voie. Nassallah Jalla wa'ala Sabat. Et j'ai appris tout seul. Soit avec les cassettes, soit avec ce qu'on peut trouver comme moyen, comme tous les frères d'ailleurs. Et puis, il faut savoir que talib al-ilm, c'est celui qui apprend la science au prix des savants. Pas il est parti une seule conférence, voire deux. Lakin il faut, la Bouddha, comme ils disent, min mujalasat ahli al-ilm. Il faut s'asseoir auprès des gens de la science. Voilà, donc c'est ça, à partir de ce moment, on peut dire talib al-ilm. Donc ce n'est pas le cas pour moi. On espère que Allah Jalla wa'ala nous donne ça dans pas longtemps en plus. Et alhamdoulilah, on a l'intention qu'Allah nous facilite pour nous et pour vous. Deuxième chose, que comme j'ai dit, je suis pas un frère de France. Donc au niveau du français, bon, si je dis un mot, il faut que les frères me rectifient tout de suite. Surtout au niveau des versets, j'essaie de rapprocher le sens. Les hadiths, pareil, mais haqiqatan, je n'ai pas eu le temps pour voir la traduction, ni dans les livres, ni dans le Coran traduit. Voilà. Donc s'il y a quelque chose ou une information qu'un frère pourra amener un plus dans la traduction, qu'il le dise, et puis ça, il n'y a pas de souci. Hein. Je ne serais pas vexé de ça, au contraire, je serais content. Troisième chose, à la fin du cours, s'il y a une information à propos du cours que je vais faire, bi'idhnillah, il n'y a pas de souci. Si un frère veut poser une question sur ce que j'ai fait, sur le cours que j'ai entre mes deux mains, ça, il n'y a pas de souci. Lakin, je suis désolé, mais je ne peux pas répondre à une autre question. Si ce n'est sur Tahar, voilà. Ça, il faut que les frères sachent. Je ne suis pas prêt à répondre à d'autres questions. Ce n'est pas compliqué, je ne vais pas faire le modeste, mais je suis incapable. Et même si alhamdoulilah, je sais que vous pouvez trouver la réponse ailleurs. Voilà. Là, à propos du cours, je me sens obligé de vous répondre. Quand même, le cours, c'est moi qui va le présenter. Donc, s'il y a quoi que ce soit, une information ou quoi que ce soit qui n'était pas clair, ça, il n'y a pas de souci de demander. Bien, si je suis capable de répondre, je suis censé, d'ailleurs, c'est le cours. Donc, bien, là, on va répondre. La quatrième information concernant le cours, le cours, le titre, c'est Al-ilm wa al-amal. La science est là. Pratique. Et le cours, il sera divisé en trois parties chacun. Al-ilm, on va voir les versets qui parlent de la science, les hadiths et les paroles des salafs et leur manhaj dans la science. Pour la deuxième partie, la pratique, kif-kif, al-ayat qui incite à pratiquer la science, deuxièmement, les hadiths, troisièmement, les paroles de nos salafs, radiyallahu anhum, et leur pratique, comment elle était envers la science qu'ils avaient. Voilà. Et ça, c'est vraiment le manhaj à suivre. Comme il dit Ibn al-Qayyim, « Al-ilmu qala Allahu, qala Rasuluhu, qala as-sahabatu hum ulu'irfani, mal-ilmu nasbaka lil-khilafi safahatan bayna al-rasuli wa bayna qawli fulani. » C'est ça la science. « Qala Allah, qala Rasuluhu, qala as-sahabatu radiyallahu anhum. » Donc c'est ça le manhaj à suivre. Tout le temps, pour juger si quelqu'un il est sur la bonne voie ou pas, comme dit Cheikh Ubayd al-Jabir, hafidhahullah, al-alim huwa alladhi yaqulu lakum qala Allahu wa qala rasuluhu. Évidemment, systématiquement, il va dire qala as-sahabatu radiyallahu anhu. Et Adab ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit ya man yuridu najatahu yawm al-hisab min al-jahim wa mawqid an-niran. Celui qui va être sauvé le jour du jugement, qu'est-ce qu'il fait, il faut qu'il fasse اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن. C'est ça le منهج à suivre. Donc là, c'est vrai, c'est un cours qu'on va faire, lakin c'est ça le منهج. يعني le Coran après la sunna authentique du prophète عليه الصلاة والسلام et منهج السلف, que tu peux pas de façon comprendre le Coran ou la sunna qu'à travers la compréhension des salaf رضي الله عنهم. Et c'est exactement هو المنهج السلفي. C'est ça. Coran c'est ça la voie à suivre. Donc nous, dans le cours, on va yani, procéder ainsi, yani, d'une telle manière. Versets, hadith et les paroles des salaf. La première partie, comme on a dit, c'est sur l'ilm, la science. La deuxième partie sur l'application. Allah Jalla wa Ala قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات سورة المجادلة. يعني الله جل وعلا il élève les gens de la science des degrés et des degrés. Bien sûr au-dessus des autres. والله تعالى في الآية الأخرى قال نرفع درجات من نشاء. روى ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم وفضله بسند صحيح أن الإمام مالك رحمه الله قال سمعت يعني شيخه زيد بن أسلم يقول في الآية هذه نرفع درجات من نشاء قال هو العلم يرفع الله به من يشاء في الدنيا. يعني ce verset là qu'Allah il élève des gens des degrés, l'imam Malik رحمه الله il a dit que il a rapporté la parole de son cheikh Zayd ibn Aslam, il a dit que il veut dire la science, par la science Allah jalla wa ala il élève les gens dans la dunya avant l'akhira, et dans les deux, dans la dunya et dans l'akhira, et même dans la tombe. La preuve, النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم il a dit يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. C'est qui dirige la prière? J'attends des réponses. C'est qui dirige la prière? Celui qui a le plus du Coran. طيب après la bataille de Uhud, النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري, النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني tellement il y avait 70 morts des compagnons رضي الله عنهم, 70 martyrs plutôt des compagnons رضي الله عنهم, يعني ils les ont enterrés ensemble certains. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف كي ديزي؟ نعم. Il a dit celui qui connaît plus du Coran, enterrez-le en premier. Dans la tombe, il est aussi, il a un degré spécial. شوف. Dans la vie d'ici-bas, on a vu celui qui dirige la salat. Et dans la tombe, pareil. Et le jour du jugement, tout le monde connaît, les gens de la science, c'est quoi leur degré? Le moindre truc, c'est les irrités des prophètes. هذا العلم يعني حقيقة. On va parler de la science, là il faut se rendre compte qu'est-ce que c'est la science. Il faut se rendre compte qu'est-ce que c'est la science. Après on va voir c'est quoi la science bénéfique, qu'est-ce que c'est. Il y en a, on peut avoir une science, mais elle n'est pas bénéfique. Wallah ta'ala qal huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa din al haqq. Al huda al ilm al naf' wa din al haqq al 'amal al salih. Yani Allah jalla wa ala il a dit sauf celui qui a envoyé son messager par la guidée et la religion du vrai. La guidée veut dire, comme il est dit Cheikh Salam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dans l'introduction de l'Aqidah al-Wasitiyya, al-Huda ici, ça veut dire la science bénéfique. Wadin al-Haq, la religion du vrai, c'est quoi? C'est la bonne pratique. C'est ça la religion. Yani Allah ta'ala, il a envoyé son messager pour ça. Pourquoi? Pour la science bénéfique et pour la bonne pratique. Et dalil que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou qui confirme ça, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est envoyé pour ça, hadith Abi Darda, radiyallahu anhu, qui dit que, yani, le hadith il est long, il est rapporté par Ahmed, wa Abu Daoud, wa Ibn Majah, wa At-Tirmidhi, wa Ibn Hibban, il est authentifié par le Cheikh Al-Albani, qui s'achit le jama' de hadith Abi Darda, comme j'ai dit, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith long, sur les mérites de celui qui apprend la science, et à la fin il dit وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَتُ الْأَنْبِيَاءَ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِنَارًا وَلَكِنْ مَذَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. ومن أخذه أخذ بحظ واسع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال les gens de la science ou les savants sont les héritiers des prophètes. Et certes, les prophètes ne nous ont laissé ni bien, ni dirham, ni dinar, mais là, qu'est-ce qu'ils ont laissé? Ils ont laissé la science. Donc il faut en profiter. Donc c'est ça, yani ça confirme le verset quand Allah Ta'ala dit huwa alladhi arsala rasulahu bil huda. Allah il a envoyé son messager par la science bénéfique. C'est vrai, le Nabi sallam il dit notre héritage c'est la science bénéfique. Allah Ta'ala ايضا في القران il dit قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Allah il a dit est-ce qu'ils sont égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ou ignorent. Certes, yani Cheikh Al-Albani rahimahullah quand il cite ce verset, tout de suite il répond et dit la kalla, la yastawiyani masala. Wadah, abadan, ne sont jamais égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Wadah. Aïvan, Allah, jalla wa ala, amara nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam, bil talab ziyada min shay wahid, ma huwa? Il'ilm. Allah ta'ala qal fi surat taha, wa qur rabbi zidni ilma. Allah, il a dit à son messager, chapitre Taha, et il dit à Allah qu'il te donne encore plus de science. Yani, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, fi Sharh Riyad al-Salihin, قال que Allah n'a pas dit à son messager, donne-moi, yani, dit comme dua, Allah donne-moi encore plus de femmes, ou alors donne-moi encore plus d'argent, ou alors encore plus de. Yani, tous les biens de la vie d'ici-bas. Là, qu'est-ce qu'il a dit? طلب الزيادة من شيء واحد ما هو وقل ربي زدني علما. Car Allah Jalla wa Ala, il sait l'importance de cette chance. واضح ولا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه رضي الله عنهما ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال أن الذي لم يفقه في الدين حق لنا أو في معنى الكلام أن نقول له أنه ما أراد الله به خيرا، لأن علم أن في نفسه هو لا يريد الخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم celui que الله جل وعلا il veut pour lui le bien hein, qui lui donne la science, le fiqh, la jurisprudence, le fiqh, la science. الحافظ بن حجر رحمه الله dans son commentaire sur ce hadith dans Fath al-Bari et entre parenthèses j'aimerais bien toute parole que je dis dans le cours que les frères y revoient. C'est pas pour vérifier, j'espère que les frères y font confiance. Lakin, c'est bien. Quand je dis dans Fath al-Bari, c'est dans Fath al-Bari, pourquoi ne pas revenir et voir toutes les paroles ce qu'il a dit le Hafid. Moi, je ramène juste un extrait, lakin il y a encore plus de paroles. Quand je dis Cheikh Ibn Uthaymeen dans Riyad al-Salihin, il y a encore plus de paroles. Donc, quand je dis un hadith, par exemple, je dis un hadith, il est dans les 40 Nawawi. Si j'ai les 40 Nawawi, je revois le hadith avec son charh. Et là, vraiment, tu maîtrises. Tu vas bien maîtriser ce que tu as appris. Voilà. Donc, le Hafid, rahimahullah, قال أن celui qui n'a pas la science, Allah n'a pas voulu pour lui le bien. Ça ne veut pas dire qu'Allah il veut le mal pour sa créature, non. Comme il dit Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a dit, Allah il a su que cet homme-là, il ne mérite pas le bien, du coup, il ne lui a pas donné la science. Vous voyez ou pas? Yani, ça vient de l'homme, ça ne vient pas d'Allah. Jalla wa'ala. Donc la science, c'est une ni'ma, c'est un bienfait qu'Allah Jalla wa'ala, il donne pour ses créatures. Tayyib, Mu'awiya radiyallahu anhu, après ce hadith, le même hadith, qu'est-ce qu'il a dit? وَنَعْمْ وَيُرِدِ اللَّهُ بِخَيْرًا يفقهوا في الدين ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله أو رواية أخرى. يعني معاوية رضي الله عنه dans le même hadith, les gens ils savent pas que c'est inclus dans le même hadith ça, le hadith de Taif al-Mansoura. يعني que le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit celui qu'Allah veut pour lui le bien, qui lui donne la science, et dans le même hadith elle a dit et certes il y a une partie de ma communauté qui va rester يعني tout le temps sur le chemin du haqq. يعني c'est pas effectivement sûr, c'est le فرق الناجي comme le hadith de 73 sectes. واضح ولا les gens de la science qu'est-ce qu'ils disent? Allah le Nabi صلى il a fait le rapport entre man yurid Allah bi khayr faqahu fi din et à la fin par le groupe sauvé, ça prouve bien que le groupe sauvé c'est les gens de la science. Et ça c'est la parole de Al-Hafiz dans son commentaire et c'est la parole de Ahmed ibn Hanbal quand il a dit rahimahullah illam yakunu ahl al-hadith faman hum, s'ils sont pas les gens de la du hadith, c'est qui va être sauvé alors? Ouais. Donc vous voyez le rapport entre le groupe sauvé et la science. Une jama'a, ou un groupe basé sur le jahel et l'ignorance, est-ce qu'il peut être sauvé? Impossible, ça contredit le hadith. Impossible. Donc c'est pas compliqué, tu vois une jama'a ou un groupe sur le jahel, sois sûr qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Léan Allah Ta'ala qu'al, les héritiers des prophètes sont les savants, c'est pas n'importe qui. Si tu n'as pas la science, tu es un jahel, en plus tu refuses carrément la science, je pense que tu es loin d'être parmi ces gens-là, qu'Allah Nabi Sallallahu Alaihi sont les héritiers des prophètes. Taïb. Fait Sunan al-Tirmidhi, les sénats de Sahaha ou l'Albani, rahimahullah ta'ala, fi Sahih al-Jama', le hadith Abi Hurayra, le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-dunya mal'ouna. Mal'ouna ma fiha. Illa, un, zikr Allah, wa ma walah, wa aliman, wa muta'alliman. Yani le Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit que la dunya elle est maudite. Et si le mot maudit, mal'ouna, comme il l'explique le Cheikh Ibn Uthaymeen dans Sharh Riyad al-Salihin, il a dit, maudit ici, ça ne veut pas dire maudit, yani, elle est méprisée, comme on dit. Pas maudit, yani, Allah il l'a maudit. Non, maudit dans ce sens méprisé, mazmouma, mahkoura. Wadah. Sauf quatre choses, c'est quoi? Zikr Allah, l'invocation d'Allah. Et tout ce qui est en rapport avec ça, yani, parmi la crainte d'Allah, la crainte de le suivi de son messager, alayhi salatu wa salam, ainsi de suite. Wa aliman, un savant, un, wa muta'alliman, yani talib ilm. Toute la dunya, elle est maudite à part ces quatre. Donc je pense que si tu as la science, ou tu as suivi un chemin pour la science, alhamdulillah, tu ne fais pas partie de ceux que Allah jalla wa ala les a maudits ou il les a méprisés dans ce hadith. Wallah wallah. نعم أيضا حديث اللي سيد دون لي 40 نووي حديث أبي هريرة في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا سورة المطلق من سلك طريقا يلتمس به علما سهل أو يسر الله له به طريقا celui qui prend un chemin pour apprendre la science Allah lui facilitera un chemin pour accéder au paradis. C'est quoi notre but en fin de compte, nous? L'adoration, tout, c'est le paradis. Allah, Jalla wa ala, il l'a rendu facile. Par quoi? Par la science. Laquelle on va voir après, la science, comment elle peut être pour toi et comment elle peut être contre toi. Il y a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam, il ne veut pas prendre un petit bout et faire une histoire. Non, il faut voir tout ce qu'il a dit et là tu vois. Je ne peux pas prendre les hadiths de la science et laisser les hadiths de la pratique. Je ne peux pas prendre les hadiths de la pratique sans science. Et c'est ça là, la communauté du juste milieu. Entre ceux qui ont exagéré, les juifs, et ceux qui étaient à côté de la plaque, c'est les nassar. Taïb. Fi sahih muslim, aïdan le hadith de Abu Hurayra radiallahu anhu, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, idha mat ibn Adam, qu'est-ce qui se passe? In qata'a amaluhu illa min thalath. Ma hum? Sadaqa jariya. أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Tout le monde connaît le hadith que si l'homme il est mort, ses actes s'arrêtent. Il y a trois choses qui restent. C'est quoi? Sadaqa jari, un homme continue qui reste. Ou une science bénéfique. La troisième, c'est un enfant pieux qui va invoquer Allah pour son père ou pour lui. Au moins continue, peut-être c'est pas donné à tout le monde. Voilà, farah non plus, on peut mourir célibataire ou on peut ne pas avoir un enfant, on peut avoir un enfant, on a fait l'école, ça n'a pas marché. Là qu'il y a une chose accessible à tout le monde, c'est quoi? C'est la science bénéfique. L'ilm al-naf'. Apprends la science, propage ce que tu peux selon tes capacités. Yani, nous, depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de dire Abu Hurayra, Muslim. L'imam, on dit Qala ibn Uthaymeen, on dit Qala ibn al-Qayyim. On dit Rawah al-Bukhari. Tout ça, c'est pas une chose bénéfique. Subhanallah. Tous les jours, on dit Rahimahullah, radiyallahu anhu, ghafarallahu lah, rafa'a darajatuhu fi mahdihi, ainsi de suite, jusqu'à la fin des temps. Et ça continue comme ça. Ajib. Chouf, tant de doua, tout dans le monde entier, toutes les secondes, tout ça, c'est quoi? C'est Al-Ilm. Abu Huraira, on cite son prénom. Plus que d'autres compagnons. Il a propagé plus de science. Et regardez les compagnons. C'est lui qui a propagé, qui nous a transmis une bonne partie des hadiths sur la science. Là, jusqu'à maintenant, on en a déjà vu trois, deux, Afwan, il y a encore un autre. Et subhanallah, il les a pratiqués. Lui. Il a transmis les hadiths de la science, mais il a acquis la science. D'ailleurs, il nous a transmis à peu près 5374 hadiths. Une bonne partie, tu les trouves dans le Bukhari au Muslim. Abu Huraira. Donc, il a compris où ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam disait. Et subhanallah, radiyallahu anhu, il a pratiqué. طيب من أقوال الصحابة parmi les paroles des compagnons رضي الله عنهم sur ce sujet قولة ابن مسعود رضي الله عنه qui dit تعلموا فإذا علمتم فاعملوا يعني ابن مسعود رضي الله عنه dit apprenez et quand vous aurez appris et quand vous allez apprendre appliquez passez à la pratique ça c'est rendu bien par cher الألباني يعني حسنا وشيخ الألباني cette parole واضح donc regardez comment Ibn Mas'ud il a compris رضي الله عنه comment il a dit يعني النبي صلى الله عليه وسلم un jour il est في صحيح مسلم حديث ابن عباس qu'il a prié un soir avec le نبي صلى الله عليه وسلم et tout le monde je pense connaît l'histoire il a prié à gauche du prophète صلى الله عليه وسلم il l'a changé à la fin de la prière qu'est-ce qu'il lui a fait le نبي صلى الله عليه وسلم lui a fait un dua c'est quoi ce dua اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير واضح يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف كلا demandé pour Allah pour son cousin demandé à Allah pour son cousin la science قال اللهم donne lui la science فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير حتى البوان qu'il est devenu ترجمان القرآن comme il le dit ابن مسعود Qui ne revient pas à Ibn Abbas dans le tafsir ? Personne. À la tête des compagnons qui font tafsir, radiyallahu anhu, arba. Chouf le Nabi sallam. Dans Sahih al-Bukhari, Bab al-Manaqib, Kitab al-Manaqib, Bab al-Manaqib, Omar ibn Khattab, min hadith Anas, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, يعني, رأيتني في المنام, يعني, dans un rêve. شربت قدحا من اللبن, hadith بمعنى, hein. حتى رأيت الري يخرج من أظفاري أو من أظافري. يعني النبي صلى الله عليه وسلم dans un rêve, il a pris un bol de lait, لبن. Il a bu à tel point qu'il voit il le voit sortir de ses ongles. قال ثم ناولته عمر. Après je l'ai donné à Omar. Omar l'a posé la question au prophète صلى الله عليه وسلم. Tu l'as interprété comment? قال la science, العلم. Ça, comme je dis, il est rapporté par le Bukhari, Bab al-Manaq. قال هو العلم. يعني عمر, il va prendre vraiment de la source de laquelle le Nabi sallam il a pris. Il est blindé, comme on dit, de ilm, عمر, radiyallahu anhu. Bien sûr, il vient après Abu Bakr, radiyallahu anhu. Aïvan, Ibn Mas'ud رضي الله عنه il a une parole qui prouve aussi son fiqh رضي الله عنه قال عليكم بالعلم قبل أن يقضى profitez de la science avant qu'elle parte يعني depuis 99 jusqu'au jour d'aujourd'hui combien de alim qui est mort 3 quel 3 ça aurait été bien 3 Cheikh Ibn Baz 99 La même année, Cheikh Al-Alban. Un an après, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah. Même Saïd Sabah dans la même période, rahimahullah. Cheikh Maqbel, après. L'année dernière, c'était qui ? Ou il y a un an et demi, voire plus qu'un an, Cheikh Berges. Wallah wallah. Yani, subhanallah. Combien de alim, là déjà, ce qu'on a cité, il y en a encore plus. On ne parle pas des mubtadi'an, on parle que l'ulama Ahl al-Sunnah. Il y en a beaucoup. Et il part. C'est la parole de Mas'ud. Profitez de la science avant qu'elle parte. Alhamdulillah, leurs cassettes, leurs livres, leurs fatawa, on les a encore. Yani, ceux qui étaient à leur époque, c'était largement mieux. Malgré que, alhamdulillah, Allah Jalla wa Ala, il laisse jamais cette communauté sans façon. Alhamdulillah, ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. Tout le temps, alhamdulillah, cette communauté, Allah il la préserve par des ulama, de Ahl al-Sunna qui défendent cette religion. Yahmouna baydata al-Islam. On demande à Allah Jalla wa Ala qu'il les préserve tous. Et Allah qui fasse miséricorde à ceux qui sont morts. Yani, parmi les choses aussi qui incitent à apprendre la science, هو أن الإنسان يتدبر في سيرة السلف. نعم. يعني كما قال القائل تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. On les imite. Voilà, on essaie de les imiter, même si on sait qu'on ne peut jamais atteindre leur degré, car le fait d'imiter les nobles, c'est une noblesse. يعني c'est un vers de poésie dans ce sens. واضح ولا؟ يعني nous, quand on parle de leur سيرة, vraiment pour que ça motive. Ce ne sont pas des gens, entre parenthèses, comme ils disent, extraterrestres. Non, c'est vraiment des gens qui étaient comme nous. Même, ils étaient dans une période anti-islamique pure que nous. Il y en a ceux qui adoraient des statues. Voilà qu'après l'islam, le changement, on le voit, comme on dit, 180 degrés, un changement total. Nous, on a du mal à se séparer de notre jahiliya. Et ça, c'est vrai. Il est très flagrant. Je parle des frères. Nous, on a du mal parfois à se séparer de ce qu'on a vécu avant. C'est pas compliqué d'essayer de l'ihya. Et ça, bien sûr, c'est demandé. On ne dit pas c'est l'extérieur. Ça, c'est le dîn. Ça fait partie du dîn. Voilà qu'il y a des choses aussi, il faut qu'on change. On a du mal à laisser certaines habitudes que malheureusement, elles ne sont pas bonnes. Ni pour toi, ni pour ton manhaj. Car toi, tu représentes une voie. Et la voix de qui? La voix du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il faut bien qu'on s'occupe de l'intérieur et de l'extérieur. C'était une parenthèse à laquelle on va revenir bien après. Yani, là, les histoires que je vais raconter, je les ai prises d'une cassette de Cheikh Saleh Al-Sheikh, hafidahullah, qui s'appelle « Himmat al-Salaf » fi talab al-ilm. Elle est accessible partout. Ça s'appelle « Himmat al-Salaf » fi talab al-ilm. Et là, il a cité beaucoup d'histoires, hafidahullah. Et là, je vais citer quelques-unes, il n'y a pas beaucoup de temps pour tout citer. Parmi les histoires, Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu, ou radiyallahu anhuma, l'Ansari, safar ila Masr, ila Abdullah ibn Unais, radiyallahu anhu, لطلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما إلى غير إلى آخر الحديث. يعني جابر رضي الله عنه. Tout le monde connaît sa science. Il fait partie des sept qui ont rapporté le plus de hadith. Il est parti en Égypte pour visiter ou voir un compagnon qui s'appelle Abdullah ibn Unais رضي الله عنه juste pour un hadith. Il me semble, dans la cassette, il a dit un mois aller et un mois de retour. Ou peut-être un mois aller-retour, mais il me semble deux mois aller-retour. Un hadith. Jabir ibn Abdullah. On peut dire non, mais il en a suffisamment, ou la science. Laquelle Jabir ne pense pas comme ça. Jabir, il a bien compris le hadith du prophète Hassan qui dit وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّرَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Il a compris ça, ou. رضي الله عنه. Il est parti voir Abdullah ibn Unais pour un seul hadith. Al-Tabari, Cheikh al-Mufassirin, rahimahullah, un homme, il vient lui poser une question. Qalou, une question à propos de l'héritage, ilm al-fara'id, al-mawarith. Il n'a pas encore acquis cette science, huwa, rahimahullah. Et comme il dit Cheikh Saleh Al-Sheikh, la science de l'héritage, ilm al-fara'id, ça s'apprend pendant une semaine. Il est venu voir Tabari peut-être entre Dhuhr et l'Asr. Il lui a dit, reviens me voir à la fin de la journée. Tu auras la réponse. Et il a appris Tabari, rahimahullah, ce que nous, ou ce qu'un, je ne sais pas, nous, on peut l'apprendre en une semaine, je ne sais pas. Mais d'après ce qu'il dit Cheikh Saleh Al-Sheikh, ce qu'il faut apprendre en une semaine, Tabari, il l'a appris pendant ce temps-là, il l'a répondu à la fin de la journée. Vous voyez Tabari. Ce n'est pas un compagnon Tabari, il est venu après. Hein. Largement même. Je fais l'himma, fi talab al-ilm. Il ne dit pas impossible. Il dit, Allah Jalla wa Ala, il va me faciliter. J'ai la sincérité, Allah Ta'ala, il va me me faciliter. Et du coup, à la fin de la journée, il a répondu, rahimahullah. Il ne s'est pas précipité, il n'a pas répondu sans science. Là, al-ilm, qabl al-qawli, wa al-amal. Voilà. Donc, il l'a appris à la fin de la journée, il a répondu, rahimahullah, wa ghafarallah. Parmi les histoires, Ibn al-Jawzi. Ici, vous voyez les histoires, on passe, yani, de plus ancien au plus récent. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, Abu al-Faraj ibn al-Jawzi, alladhi qala fihi al-Dhahabi, alim al-Iraq, wa wa'id al-Afaq. Ibn al-Jawzi, il a écrit plus que 500 livres. Akthar ma 500 kitab, rahimahullah. Ibn al-Jawzi, tellement huwa fil ilm, à 100%, yani kan, quand il y a des gens qui viennent le visiter, qu'est-ce qu'il fait Ibn al-Jawzi? Il ne peut pas apprendre la science. Il profite, qu'est-ce qu'il fait? Il taille les crayons, il prépare les papiers. Voilà, voilà. On rigole, oui, mais c'est vrai, mais ça c'est une réalité. Ibn al-Jawzi, rahimahullah, il ne perd pas son temps. La preuve, plus que 500 livres, ce n'est pas donné à tout le monde. Hal Ibn al-Jawzi, taqriban 500 et quelques, Hijri, Ibn al-Jawzi. طيب شيخ الاسلام ابن تيميه ايش pensais hier c'était une soirée شيخ الاسلام on m'a parlé beaucoup on a raconté beaucoup d'histoires donc vérifiez auprès des frères ils vont vous raconter certaines histoires sur شيخ الاسلام ابن تيميه شيخ الاسلام ابن تيميه à chaque fois il parle sur une science dans un de ses livres كل ما تكلم في علم ظن القارئ انه لا يتقن الا هذا العلم. Yani, à chaque fois, Cheikh al-Islam, rahimahullah, il parle dans une partie de la science, soit hadith, soit nahou, yani un mustalah, soit nahou, hadith al-adawat, soit fiqh, soit aqida, soit mantaq, soit al-qira'at, soit tafsir al-hadith. À chaque fois, Ibn Taymiyyah, il parle dans un sujet, t'as l'impression qu'il connaît que ce sujet. Pourquoi? Pourquoi? Yani, tellement il le maîtrise, il va le décortiquer bout par bout, comme on dit. Yani, tellement il maîtrise tout. À chaque fois il parle dans un sujet, tu as l'impression qu'il connaît que ça. Yani, comme Cheikh Al-Albani, quand il parle sur le hadith, ça se voit que Cheikh Al-Albani, c'est sa spécialité, le hadith. À fond, bon. Voilà, voilà. On ne peut pas dire l'un comme Al-Albani, impossible dans cette époque. Cheikh Al-Albani, il n'y a pas un comme Cheikh Al-Albani. Rahimahullah ta'ala, dans cette époque, dans le hadith. Et bien, Ibn Taymiyyah, dans tout, il était comme ça. Dans le hadith, tu as l'impression qu'il est muhaddith. Dans le fiqh, faqih, à tel point qu'il peut contredire les quatre imams, il n'y a pas de souci. C'est un mujtahid. Wallah, wallah. Quand il parle de la mort et tout, tu as l'impression qu'il ne maîtrise que ça. Quand il parle de Coran, tafsir, il ne maîtrise que ça. Yani, quand il mérite le titre de Cheikh al-Islam, ce n'est pas pour rien. Rahimahullah. Ibn al-Qayyim, tout ce qu'il a, ce n'est qu'un bienfait de Cheikh al-Islam. Hier soir, on a parlé de ça. Par quoi il a, comme il dit Ibn al-Qayyim, « Anna Allah qad alana al-uluma l'Ibn Taymiyyah kama alana al-hadida li Daoud, alayhi salam. » Yani, Allah Ta'ala, il a rendu le fer mou, comme ils disent, facile à manipuler, maliable pour Daoud, le père de Suleyman. Exactement, Allah Ta'ala l'a fait pour Ibn Taymiyyah. La science, il l'a rendu pour lui plus, très accessible. Yani, il discute avec les philosophes de son époque, il parle de le mantaq. Ibn Taymiyyah, il a été apprendre le mantaq. Yani, la logique, la philosophie. Quand il a appris, il est devenu plus fort que. Yani Ibn Taymiyyah, quand il farrad contre l'Asha'ira, il connaît le dogme de l'Asha'ira plus que l'Asha'ira. Il leur dit encore mieux que maintenant. Quand il parle avec Sophia, il connaît l'Aqida d'Ibn Arabi et ses livres plus que eux. C'est pour ça qu'ils étaient étonnés. Hada Cheikh al-Islam. Et Cheikh al-Islam, il est né en 661. Il est mort en 728 à l'âge de 67 ans. Rahimahullah ta'ala, célibataire, il est mort. Vous savez ça ou pas? Il est mort célibataire, rahimahullah wa ghafar ala. Wadah. Hada Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Rahimahullah. Tayyib. Le Cheikh Mohammed Abdelwahab, qui est venu après. Et là, on a dépassé beaucoup d'ulama. Ça ne veut pas dire qu'on parle que les là. On a passé beaucoup, juste pour raccourcir, il n'y a pas beaucoup de temps. On a passé Ibn Kathir, Ibn Qayyim, Al-Zahabi, Ibn Rajab al-Hanbali. Et tiens, bon, on va s'arrêter sur Ibn Rajab al-Hanbali. Ibn Rajab al-Hanbali, c'est l'élève d'Ibn Qayyim. Yani, c'est l'élève de l'élève d'Ibn Taymiyyah. Ibn Rajab al-Hanbali s'est marié trop tard. C'est lui qui a écrit le kitab Jama' al-Ulum al-Hikam, qui charhi 50 hadith min Jawami'i al-Kalim. Ibn Rajab al-Hanbali, Zayn al-Din, Mohamed ibn Abd al-Rahman, qui est mort en 795, Hijri, il s'est marié, comme j'ai dit, trop tard. Alaysh, il a été pris par sa science. Rahimah Allah. Et comme il le raconte, Cheikh Salah al-Sheikh, un jour, sa femme, elle s'est bien habillée, elle s'est préparée pour son mari. C'est son droit. Elle vient voir Al-Hafidh ibn Rajab. Il était en train d'écrire ou de bouquiner. Et là, Ibn Rajab, il la regarde. Elle est belle, yani, elle attend que son mari. Et là, Ibn Rajab, il la regarde, rahimahullah, il baisse ses yeux, il continue sa science. Il a dit, yani, il a dit, elle s'est énervée, elle est partie. Yani, Ibn Rajab, il n'a même pas le temps pour certains droits, il a du mal à les accomplir. Rahimahullah, Allah, il est à fond dans sa science. Parmi les gens de la science, il dort entre ses livres. Pourquoi? Car peut-être il dort, il va se rappeler d'une chose, il va tout de suite ouvrir le bouquin. Ajab. Ibn al-Qayyim, il a dit peut-être, ça m'arrive des moments, je suis sur mon lit, avec sa femme. Il a dit, et je pense à une information dans la science. Tu te rends compte? Nous, peut-être l'homme, il va penser à rien à ce moment. Là, au moins, il pense. Ajab. Yani, tellement ils ont le souci de la science. Ajab. Ils ne sont pas des compagnons. Ce qu'on raconte, j'ai dit que Hafidh ibn Rajab, il est mort en 795. L'élève d'Ibn al-Qayyim, c'est Al-Fayrouz Abadi, Sahab Qamz Wahid. L'élève de Al-Fayrouz Abadi, c'est Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Bon, on arrive à Hafidh ibn Hajar al-Asqalani. Il a lu Al-Muwatta en une journée. Sijil. Sahih Muslim en trois jours. Et autre chose, Hafidh ibn Hajar. Ça, si vous voyez, vous voulez voir qu'est-ce qu'il a fait, lisez Hilya Talib al-Ilm. Cheikh Bakr Abou Zayd avec Cheikh Uthaymeen, il y a ça. Il va parler de Hafidh ibn Hajar. C'est une chose qu'on ne peut pas nous imaginer. Yani, le mot, on fait jalsa, nous, un petit épître de salat de Cheikh Hanbal, peut-être qu'on ne va pas se matiner pour le finir, on a du mal. موطأ في جلسة صحيح مسلم بدون شرحة جسلي صحيح مسلم سيبا تخرجوا ثلاثة جلسات ثلاثة كور كما دي هذا الحافظ إلا يكري فتح الباري en combien de temps 25 ans 25 سنة et vous voyez فتح الباري c'est une nécessité pour tout طالب علم impossible tu ne peux pas être un طالب علم sans فتح الباري واضح ولا طيب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كي venu après en 115 هجري aussi si tu regardes sa biographie il a appris le Coran avant la puberté il a voyagé alors qu'il était jeune pour apprendre la science il a voyagé alors qu'il était jeune regardez son manhaj de da'wa il a passé toute sa vie ilm et da'wa Combien de fois dans la journée tout le monde dit Muhammad ibn Abdullah. Ses livres, peut-être il y aura ses chourouh jusqu'à la fin des temps, il n'y aura plus de religion. Ses livres, peut-être les gens ils vont faire leur charh. Un homme, il renouvelle le dogme du prophète alayhi salatu wassalam, le dogme de l'islam tout seul. Ajab. Exactement. Yani, un homme tout seul. Allah Ta'ala, il lui donne la science, il lui donne yani, le tawfiq, Allah lui permet de renouveler la religion de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tout seul. Regardez l'Hijaz avant Muhammad ibn Abd al-Wahhab et l'Hijaz là. C'est le premier pilier de tawhid dans le monde entier. Par la fadl, Allah Jalla wa Ala, après la cause c'était qui? C'était Muhammad ibn Abd al-Wahhab. C'est la science. Voilà. Dans cette époque, quand on voit Cheikh Ibn Baz, Et Cheikh Al-Albani, et Cheikh Ibn Asaymi, qu'est-ce qu'ils ont laissé? L'héritage qu'ils ont laissé pour la communauté. Quel livre de la Sunna que Cheikh Al-Albani ne l'a pas authentifié? Quel livre? Quelques livres peut-être. Laquelle les gros, l'Ummahat, tous, Cheikh Al-Albani les a vérifiés, authentifiés, des commentaires, des vérifications. Et Cheikh Al-Albani vérifie le Makhtoutat, les manuscrits. Alors qu'il n'avait pas les moyens, Cheikh Al-Albani. C'est un horloger. Rahimahullah. Alors que nous, tout est accessible sur Internet, mais en dehors. Tout est accessible à la bibliothèque, en dehors. Les locaux, de partout. Moi, j'étais au bled. Les frères, ils ont du mal à se voir, même à trois. Ils ont peur des flics. Ici, en France, on est gâtés, mais on n'avance pas. Quand je dis en, une bonne partie. Je sais que certains, ils avancent, alhamdoulilah. Voilà qu'une bonne partie en dehors, quand même. Yani, je reviens à Cheikh Albani et Cheikh Ibn Baz. À chaque fois, je ne sais pas si ça arrive aux frères ou pas, à chaque fois je lis la biographie d'un alim contemporain ou d'un talib ilm qui est devenu fort, tout le temps, il y a un passage de sa biographie qui parle de Cheikh Ibn Baz. Ça, subhanallah. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça ou pas. Tout le temps, même Cheikh Al-Albani, quand ils disent que, par exemple, c'est Cheikh Ibn Baz qui a été la cause pour que Cheikh Al-Albani ait parti étudier là-bas. Cheikh Taqi Dil Hilali, rahimahullah, pas Salim Hilali, Taqi Dil Hilali, le Marocain. C'est qui l'a invité pour étudier là-bas, pour enseigner là-bas? C'est Cheikh Ibn Baz. Cheikh Abdel Qadr Al-Na'out, rahimahullah. Et cette vidéo, elle est dans le site Riyad Salihin, quand il parle de sa biographie, rahimahullah, Abdel Qadr Al-Na'out, il parle certainement de Cheikh Ibn Baz qui était la cause pour que Cheikh Al-Na'out soit aussi connu. Ibn Uthaymin, wa ma adraka ma Ibn Uthaymin. C'est l'élève de qui? Après Sa'di, c'est l'élève de Cheikh Ibn Baz. Yani hajab. Regardez Cheikh Ibn Baz, l'homme aveugle depuis l'âge de 20 ans, regardez qu'est-ce qu'il a laissé comme héritage pour la communauté. Et comme le frère il a dit que même le mufti actuel de Saoudi, il se bat sur les fatwas de Cheikh Ibn Baz. Même après sa mort, il est encore le mufti de Saoudi. Même les mubtadi'a, les innovateurs, quand ils veulent convaincre les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Qala Cheikh Abdelaziz Ibn Baz. Nous, hier, le Jumu'a, avant-hier, à Rennes, kif. Il y avait un souci apparemment dans la mosquée. Il a dit, on a collé dehors la fatwa du Cheikh Ibn Baz et un autre savant marocain. Lakin en premier, il a dit Cheikh Ibn Baz. Malgré qu'il n'est pas un salafi. Wabah. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il a laissé comme livre? Il n'a pas fait son charh. Surtout dans l'aqid. Qu'est-ce qu'il a laissé? Même l'Alfiyyat ibn Malik, il a fait le charh. L'Nuniyyat ibn al-Qayyim, dans la poésie, il a fait un charh. Nail al-Awtar al-Shawkani, quelques chapitres. Nukhbat al-Fikr fil hadith, al-Hafiz, kif. Kutub Muhammad ibn Abdelhab, t'as pas à discuter sur ça. Kutub Sheikh al-Islam, kif. Même Iqtida' al-Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat al-Ashab al-Jahim, qui est gros, il a fait un commentaire sur ce livre. Les fatawa, partout. Nour al-Darb, عند Kufri al-Liqa' al-Shahri, Fatawa al-Haramay. لقاء الباب المفتوح partout. الشيخ ابن عثيمين كومو الى كي cette science quand il était jeune رحمه الله quand سعدي عبد الرحمن السعدي il est invité quelque part pour une walima ou autre, الشيخ ابن عثيمين il l'accompagne. Pourquoi? Pour poser des questions سur la route. Et quand il arrive الشيخ سعدي à la porte pour rentrer, il se peut que الشيخ عثيمين rentre, il se peut qu'il n'est pas invité, il revient. Il profite la science sur la route. Et bien sûr, quand tu vois ça, ben, ça ne t'étonne pas qu'il est arrivé à ce niveau. Il a commencé avec 4-5 talib ilm au début. Il a fini avec 600 dans le même cours. Il y a le médecin, il y a l'ingénieur, il y a le bac plus 5, bac plus moins 8, il y a tous les niveaux. Cheikh Ibn Uthaymin. Wabah. Donc, alaykoum salam. Comme a dit le sha'ir, « Al-ilmu yarfa'u bayta la'imada lahu, wal-jahlu yahtimu bayta al-izzi wal-sharafi. » Yani la science, elle élève un bâtiment sans pilier. Alors que le jahil, il peut raser ou détruire des bâtiments et des bâtiments avec des piliers. يعني لا science c'est vraiment رفع. وابن القيم رحمه الله يقول والجهل داء قاتل وشفاؤه ماذا أمران في التركيب متفقان نص من كتاب أو من سنة وطبيب ذاك العالم الرباني والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان علم بأوصاف الإله وفعله وكذلك الأسماء للديان والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالبرهان والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان وإلى لبغول ابن القيم يعني يديك الجهل لنيرانس داء قاتل c'est une maladie grave وشفاؤه c'est quoi نص أمرني في التركيب متفقان c'est quoi نص من الكتاب أو من كتاب القرآن أو من سنة إسكي كي تترسمي سا وطبيب ذاك العالم الرباني un عالم رباني un savant qui craint Allah Ta'ala qui va transmettre cette science et après il a dit والعلم c'est quoi la science bénéfique أقسام ثلاث trois ما لها من رابع والحق ذو تبيان n'a pas un quatrième trois parties il n'y a pas une quatrième partie علم بأوصاف الإله وفعله les noms d'Allah, les attributs, يعني tout ce qui est rapport en Allah avec Allah جل وعلا, c'est التوحيد. Il veut dire التوحيد. وكذلك الأسماء للديان, يعني les noms et les attributs et tout ce qui est rapport avec التوحيد. ثم قال والأمر والنهي الذي هو دينه, يعني الأمر والنهي, tout ce qui est licite, tout ce qui est illicite, يعني c'est le فقه, التوحيد et فقه. Après il a dit وجزاؤه يوم المعاد الثاني. Licite et illicite, ça engendre quoi ? Le paradis ou l'enfer. Donc, c'est ce que Allah Jalla wa Ala l'a préparé pour les croyants. Et comme dit Cheikh Salah Achir, il veut dire Ibn al-Qayyim, la science c'est quoi ? C'est le tawhid et l'aqida et le comportement. L'autre, ça va. Le fait de craindre l'enfer et travailler pour le paradis, ça va engendrer la piété. Donc, c'est ça la science. Après, qu'est-ce qu'il a dit ? Wal-kullu. Ça vient d'où cette science ? C'est pas qala fulan, ou qala illan, ou qala bakr, ou qala zayd. Non, la science c'est quoi ? Qala. والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالبرهان والله ما قال امرئ متحذلق بسواهما إلا من الهذيان donc en fin de compte toute cette science elle est où elle est dans le kitab ou la sunna elle n'est pas dans les livres des grecs ou les livres des gens du livre ou les livres des innovateurs ou la qawl fulan ou la allan ولكن الكل في القرآن والسنة لهذا ابن القيم رحمه الله قال بل غركم ذاك الغرور وسولت لكم النفوس وساوس الشيطان يعني il parle les مبتدعه il a dit vous êtes tombé vraiment dans le mal de شيطان قال وتركتم الوحيين يعني c'est quoi الوحيين les deux révélations c'est quoi le Coran والسنة زهدا فيهما لكن qu'est-ce que vous avez cherché ورغبتم في قول كل فلان vous avez cherché la parole de x y ثم قال ورغبتم في قول وعزلتم النصين عما ولي الحكم فيه عز ذي عدواني à la fin il a dit une belle parole رحمه الله قال وزعمتم يعني vous avez prétendu وزعمتم أن ليس يحكم بيننا ce qui tranche le litige c'est quoi إلا العقول ومنطق اليوناني vous avez dit que ce qui tranche le litige c'est quoi c'est la raison et la philosophie grecque شوف ابن القيم لكن سر لا le seul moyen pour se sauver de l'enfer c'est suivre le Coran ou le Sunna à la fahmi salafi à l'umma donc c'est ça l'ilm et quand on sait l'importance d'une chose il faut s'attacher dessus comme il dit l'ilm comme je l'ai dit tout à l'heure l'ilm yarfa'u bayt al-la'imad lahu wal jahl yahtimu bayt al-'izz wa al-sharaf le jahl ne peut faire que du mal la preuve celui qui a tué 99 personnes, il est parti poser la question à un rahb, quelqu'un qui adore. Est-ce qu'il était alim Non. La preuve, il a répondu avec une fausse fatwa. C'était quoi la cause? Il l'a tué. Il a complété la centaine. Et là, quand il a complété la centaine, il veut encore se repentir, il est parti voir l'alim. Il a dit, est-ce que je peux me repentir? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ça va. Il a dit non ou oui. Il a dit oui, tu peux te repentir. Et c'est ça la science. Il s'est repenti ou pas ? Le résultat c'était quoi ? le paradis. Vous connaissez la suite de l'histoire. La Kenerjaël, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que du mal. Moi, je ne comprends pas certains innovateurs, ils utilisent ça pour dire que pour prouver leur Zeda, alors que ce sont des gens du Jahad. Non. Cette histoire, c'est vraiment, ça prouve que l'ilm, ça peut ramener que du bien. Taïb. La deuxième partie, après l'ilm, et c'est un rappel sur l'ilm, et je sais qu'il y a beaucoup de rappels sur ce sujet. Laquelle, je pense la deuxième partie, moi, je pense qu'elle est plus importante à notre stade. C'est la pratique. Taïb l'ilm, alhamdoulilah, on connaît l'importance. Mais idhnillah, on va travailler. Mais idhnillah, on va apprendre la science. Et ça, sur ça, c'est vrai, moi, je n'ai pas beaucoup parlé. Yani, taïb, on a fait le cours. Lakin, j'espère que ça va bouger, les frères. Yani, on a tendance à dormir dans la science. Yani, subhanallah, comme moi, j'étais au bled très récemment. Quand je vois les frères du bled, comment ils avancent, et les frères de certains frères ici de France, comment ils avancent, شتان بين الحالتين فإن تريد جمعا فنص الداني يجتمعان. Je ne peux pas comparer les deux. C'est vrai, ils ont l'arabe, on dit, alhamdoulilah, certains frères de France qui ont acquis l'arabe. Pourquoi tu n'es pas comme eux? Il ne faut pas dire, ouais, le frère, il a une opportunité. Là, et toi, il faut que tu la cherches. Si tu as l'arabe, tant mieux, c'est accessible la science partout. Si tu as le français, c'est accessible, mais il vaut mieux commencer par l'arabe. Pour déjà comprendre les versets du Coran qui étaient en train de lire. واضح. ولكن celui qui veut rester tout le temps جاهل, eh ben خلاص, c'est lui qui a choisi. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. Celui qui ne veut pas grimper les montagnes, il va vivre tout, il va passer toute sa vie dans les fosses. C'est une parole. Elle est vraie. صح. بقدر الكد كما يدي الشافعي بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي. Tu veux avancer, tu veux avoir le علم. Pourquoi pas un savant? Eh bien, travaille. Il y a tous les moyens. يعني au bled, les gens ils se privent d'acheter des vêtements peut-être. J'exagère pas. Certains, je dis pas tous. Alhamdulillah, quand même, ils sont pas aussi catastrophiques. Mais certains, ils se privent d'acheter des choses pour acheter un livre. Waouh. Alors qu'ici, on a tout. Il n'y a pas d'internet au bled. Hein. C'est vraiment contrôlé. Machin, tout le monde connaît la situation. Mais s'ils voient un livre de Cheikh Rabi, les frères, ils voient un truc extraordinaire, tellement il n'y en a pas. Peut-être les grands livres, oui, il y en a. Les Kutub al-Hadith, les Tafsir et tout. Mais les livres du manhaj et tout, ça, c'est impossible que tu trouves. Si certains frères qui ne sont pas à l'étranger ne ramènent pas au bled, vraiment, il n'y a aucun moyen pour les avoir. Là que malgré ça, ils apprennent. Même le Coran, à un certain niveau, Allahu Akbar, que tu ne trouves pas ici. Là que nous ici, on est gâtés. Ou Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, quand Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il y a des jours du jugement, il y en a certains qui vont rentrer par la porte de al-Jihad. L'autre, ils vont rentrer par la porte de al-Siyam. L'autre, par la porte de Salat. Abu Bakr, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, est-ce qu'il n'y a pas un de ta communauté, ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui rentrera par toutes les portes? Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, na'am, wa arjou, an takuna anta ya Abu Bakr. Yani, elle suffit une porte ou pas? Elle suffit. Lakin Abu Bakr, tellement il vise vraiment les plus hauts degrés, il ne se contente pas d'une seule porte. Il a visé les 8, il dit, là il va rentrer par les 8 portes. Radiyallahu anhu. Il y a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, arjou, ça prouve bien qu'il va être cet homme-là, bi'idhnillah. Voilà. Had Abu Bakr al-Siddiq. Il ne s'est pas contenté. Alhamdulillah, moi j'étais avec lui pendant la bataille de Badr. J'étais avec lui pendant la bataille de Uhud. J'ai tout donné comme argent pour l'islam. Non, il vise les 8 portes. Et je ne comprends pas quand certains frères, ils coulent. Ouais, alhamdulillah, moi franchement, je ne suis pas fait pour atteindre le prix. Yahi, qui t'a dit? Est-ce que tu as essayé? Subhanallah. Essaye! Il va dire, moi j'ai 40 ans. Essaye! Tu sais pas. Yani, Cheikh Saleh, dans cette cassette, ou dans l'introduction de Salat al-Usul, il parle, il raconte une histoire que le Khatib al-Baghdadi, rahimahullah ta'ala, il a cité dans son livre. قال أن يا أن طالب علم il a essayé d'apprendre le hadith partout, ça n'a pas marché, il n'arrive pas à mémoriser, il a du mal. Il a réessayé, ça n'a pas marché. Il a arrêté, il a abandonné l'aide. Et un jour il passe, il voit une source d'eau, mais quelques gouttes qui tombent sur une pierre. Et là quand il vérifie, il trouve que ces gouttes d'eau, ils ont fait un trou dans la pierre. Il a interprété. Il a dit, subhanallah, si l'eau arrive à faire des trous dans une pierre à force, je ne pense pas que la science, elle est plus douce que l'eau, et je ne pense pas que... moins douce que l'eau, et je ne pense pas que mon cœur ou ma mémoire, elle est plus dure que la pierre. Du coup, il est reparti, et comme il dit le Khatib al-Baghdadi, il est devenu un muhaddith. Chouf, Ajaz, c'est une histoire, voilà quand même un motif. Bon, on ne va pas chercher les sources d'eau, là, c'est des consorts, ça. Lakin ala kul, yani, elle motive. Fah wala. C'est pour ça que Mas'oud, radiyallahu anhu, a dit, si je sais il y a quelqu'un qui connaît un verset plus que moi, hein, dans le bout du monde, je vais aller le chercher. Ça va, Mas'oud. Voilà. Donc, c'est ça. Il faut avoir l'amour de la science. Kan Ahmed ibn Hanbal, quand il va visiter quelqu'un, il dit un dua. Les talab d'ilm, ils écrivent tout de suite. C'est un dua, il le dit, Ahmed, mais eux, ils notent. C'est Ahmed ibn Hanbal qui parle. Rahimahullah. Comme je vous ai dit, Ibn Uthaymin, il accompagne Saadi. C'est pas pour manger, non, pour la science sur la route. Il faut que tu te rabaisses pour la science. Et tu nous as raconté l'histoire du frère qui était à côté du Cheikh. Si tu parles. Vas-y. C'était un Cheikh, c'était en fait, on l'a envoyé après, juste la saison de l'Hajj. Quand on est parti à Médine, c'était bizarre, voilà, c'était bizarre. On est parti à Médine et le cheikh, moi je ne le connais pas, de visage. Alors j'ai assisté à son darse, lui il lisait un livre. Je n'ai pas assisté au début le titre du livre, donc je ne sais pas quel livre il lisait, mais en tout cas c'est un livre de fiqh qu'il lisait. C'est un livre de aqidah qu'il lisait. Il y avait à côté, à gauche, il y avait à droite, il y avait une personne, Inch'Allah, l'ahya et tout ça. Il était à côté, wallah, il était comme ça. Et chaque fois que le cheikh il toussait, il faisait ça. Il regardait comme ça. Chaque fois que le cheikh il toussait comme ça, il faisait ça. Il regardait, s'il tousse, il y a un effort, il se lève, il va ramener un verre d'eau. Après, il revient, il le pose. Et le cheikh il buvait. Alors, j'ai posé la question partout, c'est qui le cheikh? Personne ne m'a répondu, personne ne le connaît. En fait, ils ont organisé ça pour qu'ils viennent pour donner le fatwa, quoi. Donner le fatwa pendant le hajj, après le hajj. Et c'était pas une personne, yani, taltazim al-durus, yani, c'est pas une personne qui donne des cours réguliers. Alors je me suis dit, il n'y a que celui-là qui va me répondre. S'il est comme ça, c'est sans talb al, quoi. C'est yani, multazim, quoi. Il est dur avec lui. Je suis parti avec lui, il m'a dit, excuse-moi, Akhi. Il m'a dit, tu ne sais rien. Tu veux dire, c'est qui Cheikh? Il m'a dit, je ne sais pas. Subhanallah. Allah, il m'a dit, je ne sais pas. Je lui ai dit, subhanallah, tu ne connais pas. Il m'a dit, je ne connais pas. Je ne suis pas obligé de le connaître, c'est un chiffre. Il s'est mis, comment il se servait, subhanallah. Sauf, moi, quand il m'a raconté. C'est un vieillard, ça va faire les 38, 39 ans, le gars. Et machallah. C'est ça, l'alim. C'est pour ça, quand les élèves de Cheikh Maqbel, ils viennent visiter dans une cassette, c'est le Huda al-Nour. Quand ils viennent visiter Cheikh al-Albani, il y avait une fois, il a dit qu'il y a un rêve, il a vu Cheikh al-Albani. Après, il a dit, Cheikh al-Albani, et Cheikh, wallah, on t'aime plus que nos parents. Il a dit comme ça. يعني سطال بعلم بالشيخ مقبل ها سطال من الشيخ مقبل إلى دي الشيخ الألباني والله إلى جوري كنت أم plus que nos parents et c'est ça les gens de la science. C'est pour ça il faut يعني faire beaucoup de dua pour eux رحمهم الله et il faut les défendre à chaque fois. Non, Bukhari il est parti, il était à l'Irak, il est parti de l'Irak à Mecca pour voir Abd al-Razzaq. Il est parti à Mecca. Il a trouvé Abd al-Razzaq, on lui a dit qu'Abd al-Razzaq il est mort. Il est revenu de l'Irak à Mecca, de l'Irak à Mecca, on lui dit qu'Abd al-Razzaq il est mort. Il est revenu de Mecca à l'Irak à pied. Il était pauvre, il n'avait rien, il n'avait pas d'argent. À l'Irak, on lui a dit qu'Abd al-Razzaq il est haï. Il est revenu de l'Irak à Mecca, et là il était sûr qu'Abd al-Razzaq il était mort. Pour apprendre chez lui. Et encore, et comme je vous ai dit, Jaber ibn Abdullah, il a voyagé jusqu'en Égypte. Par contre, un hadith d'Abdullah bin Unais qui est un compagnon comme lui, voit que Jabir ibn Abdullah il a un degré plus que Abdullah ibn Unais. Là, je pense que l'information elle est bien retenue à propos de la science. J'ai appris la science. J'ai acquis un certain niveau de science. Qu'est-ce qui reste? La mise en pratique. Allah Ta'ala قال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Allah Ta'ala dit: ô vous les croyants, pourquoi vous dites ce que vous faites pas? Yani Allah il déteste ceux qui disent ce qu'ils ne font pas. Chapitre Saft, deuxième verset il me semble deuxième verset. Allah il déteste ces gens-là. Wallah, Jalla wa Ala, c'est Surat al-Baqara, قال, pourquoi je cite le chapitre? Pour que vous voyez vraiment la vraie traduction. Moi je rapproche le sens, mais ce n'est pas une traduction. طيب, في البقرة, Allah Ta'ala قال, يا نعم, أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Vous ordonnez aux gens le bir, yani tout ce qui est bien, et vous oubliez vous-même. Wa antum tatluna al-kitab, alors que vous avez le livre. Est-ce que, n'am, afala ta'qilun, est-ce que vous n'êtes pas raisonnable? C'est débile d'ordonner une chose que tu sais que c'est le haqq et tu ne la fais pas. Ajab. Ajabtu li shaykhin ya'muru an-nasa bit-tuqa wa ma raqaba ar-rahman yawman wa ma taqa. C'est vrai, ça c'est étonnant. Wa في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامة في النار فتندلق يعني تخرج أقتابه يعني أمعاؤه يعني إغمان لهم الجور ججمو على الانفاق إلى سيزنتستان سر نسأل الله العافية والسلام فيدور عليها كما يدور الحمار برحاه. Il tourne autour comme il tourne l'âne autour du moulin. Là, les gens de l'enfer ils viennent lui dire pourquoi? يعني كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر. Tu faisais que ça, ordonner le bien, interdire le mal. فيقول كنت آمركم بالمعروف ولا آتي وأنهاكم عن الشر وآتي. نسأل الله العافية والسلام que Allah nous en préserve. واضح. Il va dire, يعني, je vous ordonne le bien, et je ne le faisais pas, et je vous interdis du mal, mais j'arrête pas de le faire quand même. Son châtiment, c'est quoi? Il est dans l'enfer, il tourne autour de ses intestins, sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle-ci, sahiha, le Cheikh Al-Albani, rahimallah ta'ala, ou kharraja Al-Albani, min khams turuq, min hadith Anas, anna nabi sallam, laylat al-mi'araj, l'ascension, ra'a qawm, تقرض شفاههم بمقاريض من نار فسأل جبريل من هؤلاء يا جبريل قال هم الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم il a vu des gens qu'on coupe leurs lèvres avec du feu. Il a dit النبي صلى الله عليه وسلم c'est qui ces gens là? Ils s'attendaient peut-être à des kuffars, à des munafiqin. Là, Jibril Khal, ce sont des gens de ta communauté. Comme le khutaba, ceux qui font les exhortes, les cours. C'est pas dur à parler. Mais qu'à mettre en pratique, c'est, on a du mal à faire ça. Khal, ce sont des gens de ta communauté. Comment ils sont de ma communauté? Khal, les gens de ta communauté, le khutaba, ceux qui font les exhortes, mais ils n'appliquent pas ce qu'ils disent. C'est ça leur châtiment. Le hadith est dans celle-ci, la sahih, Cheikh Al-Albani, le hadith Anas. Vous voyez leur châtiment? Ajab. L'anna Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah, yakoul, man fasada min ubbadina, fafihi shabahun mina, al-Nasar. Wa man fasada min ulama'ina, fafihi shabahun mina, al-Yahoud. Celui qui égare de nos adorateurs, il ressemble aux chrétiens. Et celui qui s'est égaré de nos savants, il ressemble aux le juif, il s'est le haq, mais il ne l'applique pas, alors que les autres, ils adorent Allah par ignorance. C'est la parole de Sufyan ibn Uyayna, rahimahullah. Nous, on a appris la science. Peut-être aqid, tawhid, fiqh, sira. On lit les histoires de Omar, Abu Bakr, Jabir, Abu Huraira, Sa'd ibn Mu'adh, Sa'd ibn Waqqas, Hamza, Ibn Abbas, Ali, et ainsi de suite. Après, on passe à ce qui est après, Shafi'i, Malik, Ahmed Abu Hanifa, Ghaira, Ibn Mubarak, Ata, Sha'bi, Mujahid, on arrive après Ibn Taymiyyah, Ibn Al-Qayyim, Muhammad Al-Duhab, et alors, et après c'est quoi le but? C'est de connaître leur histoire, Al-Filila ou Lila. Ah ben non. Voilà, c'est pas le but, c'est pas des... Voilà, voilà. يعني narration, c'est un yihki, puis voilà, ça continue comme ça. Ah ben non, le hadaf, c'est le sihr. واضح. طيب, on a lu des choses sur le qabr, sur le jannah, sur le nar. يعني Ibn al-Qayyim dans le jannah, qu'est-ce qu'il a dit? Ya khatib al-shhur al-hisani, wa talib al-liwaslihinna bi jannat al-hayawani, law kunta tadri man talabta wa man khatabta badalta ma tahwi min al-athmani. C'est qui les femmes que t'attends? C'est les femmes du paradis. Et ben, khalas, travaille pour payer leur dot. Ça, la parole de Ibn al-Qayyim. Toi, tu cherches les femmes du paradis, il faut travailler pour payer leur dot. C'est quoi? C'est al-hasanat. Comme le Nabi sallam, falaysa hunaka dirhamun wala dinar walakin hasanat wa sayyi'at. Le jour du jugement, c'est ça le l'argent, comme on dit. C'est sayyi'at. Ya ayyuha alladhina amanu hal adullukum ala tijara, commerce. تنجيكم من عذاب أليم كيف وصف دان شاتيمون تري دور ما هي تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم تفال لو فري كوميرس جور دو جوجمون واضح طيب on a lu sur l'enfer sur le paradis et après est-ce que nous quand on écoute on entend le Coran est-ce que ça sensibilise nos cœurs quand on lit le Coran وجاءت سكرة الموت بالحق نعم وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد Allah Ta'ala قال كلما دخلت أمة لعنت أختها غيرها quand on lit ces versets sur l'enfer sur le paradis est-ce que ça sensibilise nos cœurs et ben si toi tu dis que moi je suis le manhaj t'es pas obligé de pleurer dans le tarawih devant tout le monde au contraire le salaf il s'éloignait trop de ça pleurer devant les gens c'est pas dur et هذا في الحديث الصحيح في الصحيحين من حديث أبي هريرة ورجل نعم لسات الله جل وعلا il les protège sous l'ombre de son trône le jour du jugement c'est qui sont qui parmi ces gens-là وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا tout seul فَفَضَتْ عَيْنَا là que devant les gens de pleurer c'est pas dur alors que quand il est tout seul je peux vous dire que c'est plus dur c'est ça qui mérite d'être protégé celui qui pleure tout seul Omar il avait deux traits sous les yeux à force de pleurer Omar ومن Omar رضي الله عنه malgré la force et tout لكن devant Allah Jalla wa Ala, il pleure, ou quand il se rappelle d'Allah Jalla wa Ala, il pleure. A tel point que dans Salat al-Fajr, quand il récite « إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهُ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ كَانَ يُسْمَعَ لَهُ نَشِيجٌ » Quand il dirige la Salat al-Fajr, il lit la Sourate Yusuf, ceux qui sont au dernier rang, ils disent « on entend nashij », c'est pas « il pleure », c'est plus qu'il pleure. Vraiment, quand il dirige la Salat al-Fajr. واضح. Donc, nous, comme j'ai dit, de pleurer dans le tarawih, c'est pas dur. Là, quand tu es tout seul. Même tu fais ton witr à la maison chez toi. Quand tu lis le Coran chez toi. Quand l'imam il récite, il se peut, tu es à côté de, comme ils disent salaf, l'un il prie à côté de l'autre, alors que baynahuma bu'd as-sama' 'ala al-ard. L'un il prie à côté de l'autre, l'autre il pleure, min khashyatillah, sans que son ami qui est juste à côté, il le sache. Et c'est ça la sincérité. L'imam il est passé par un passage qui touche. Il est là, il pleure, l'autre à côté de lui, il ne sait pas qu'il pleure. Et à la fin, quand il sort de la prière, il n'y a personne qui sait. Ça se voit qu'il a pleuré sincèrement pour Allah, Jalla wa Ala. Wa rajulun zakara Allah khali fadat aina. On parlait du Coran. Nous, on se prétend suivre le manhaj salaf. Tayyib, regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à la tête de nos salaf. Alayhi salatu wa sallam, qu'est-ce qu'il faisait envers le Coran? في الصحيحين من حديث ابن مسعود جاء ابن مسعود قال يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن قال أو أقرأه عليك وقد أنزل عليك يا رسول الله قال أحب أن أسمعه من غير جامري بيان écouter le Coran d'un autre Vous connaissez le hadith. Et là, Ibn Mas'ud, il commence à réciter quand il arrive à Qawlallah Jalla wa Ala, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Le Nabi Sallam قال حَسْبُكَ. Je t'arrête là. Il n'a pas dit صدق الله العظيم. Il a dit حَسْبُكَ. Et là, Ibn Mas'ud, il regarde le Nabi Sallam, il trouve qu'il pleure. هذا النبي صلى الله عليه وسلم. C'est le prophète, c'est lui qui nous a transmis le Coran, alayhi salatu wassalam. Malgré ça, un simple verset, quand il s'est rappelé du jour du jugement, tout de suite, il a pleuré. Nabi Sallam, il a passé une nuit, il pleure, quand il est arrivé à Qawlallah Jalla wa Ala, « In tu'azibhum fa innahum ibaduk. » Une nuit. Aisha, peut-être elle passe une journée, elle pleure, « Fi Qawlallah Jalla wa Ala, fa manna Allahu alayna wa qana azab al-samum hiya ou asma ukhta. » Un verset. Uthman, le witr, a dit le Coran en entier. Uthman, radiallahu anhu. لهذا نزل في قول الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. سي عثمان كوميدي بن عمر. فعلا قانت إلى دغ الله جل وعلا jour et nuit. C'est quoi la raison? Il craint un jour du jugement. Et il espère la miséricorde d'Allah. C'est ça ce qui l'a motivé, Uthman, pour travailler ainsi. Tamim al-Dari, il fait le Coran, il finit le Coran en une nuit. Malgré que Nabi Salam, il nous a ordonné de le finir en trois jours, voire plus, pour bien le méditer dessus. Il n'a que pour montrer, Saïd ibn Jubair aussi, pour montrer Salaf, comment ils étaient au niveau de leur adoration, rahimahumullah, wa radiya anhu. Taïd. Autre chose, est-ce que on a dans notre cœur une certaine crainte d'un enfer éternel. Ou alors tout le temps on se dit, non, alhamdoulilah, moi j'ai tawhid, je suis sûr que je fais salat, alhamdoulilah, je suis sûr, selon le qawl qui dit que tarak salat kafir, yani, j'ai salat, j'ai tawhid, je suis sûr que le jour du jugement, je ne serai pas éternellement dans l'enfer. Eh bien, je t'informe que Ibrahim, alayhi salatu wassalam, imam al-hunafa, qala wajlubni, وبنية أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي أحد أئمة السلف قال ومن يأمن البلاء على نفسه بعد إبراهيم. واضح. إبراهيم عليه السلام il a réalisé vraiment le tawhid. D'ailleurs Cheikh Mohammed dans le kitab tawhid quand il parle de deuxième chapitre il me semble quiconque réalise tawhid il entrera en paradis sans châtiment. Tout de suite il a cité le verset qui parle de Ibrahim dans le kitab tawhid. Yani revoyez ça. Pourquoi? Car Ibrahim, c'est vraiment, il a réalisé le tawhid. C'est pour ça qu'il mérite le titre Imam al-Hunafa. Alayhi salatu wassalam. Malgré ça, il a dit, Allah, prive-moi et ma descendance d'adorer les statues. Ibrahim al-Taymi, il a dit, et qui sera à l'aise après ce dua d'Ibrahim? Voilà. Les hadans Nabi sallam, qu'alaikum sallam, la majorité de son dua, ya muqallib al-qulub. Sabbat qalbi ala ti. قال ابن القيم واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان. Il faut que tu pleures jour et nuit. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما خشية الرحمن باكيتان لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن. Si Allah il a voulu, tu seras parmi eux, يعني les égarés, voire les kuffars. طيب, car القلب بين أصابع الرحمن. Le cœur il est entre deux doigts, du doigt d'Allah, comme il est cité Nabi Sallam dans le hadith. صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما واضح donc il faut pas dire moi j'ai le tawhid tout le temps espérer la miséricorde d'Allah et craindre son châtiment. طيب يعني aussi autre point que il faut pas trop s'occuper de rectifier les autres et tu t'oublies toi-même. C'est pas dur de dire ahtaqillah, mais si tu as cette parole là tu la diriges vers toi-même. Elle te dit pourquoi moi je ne crains pas Allah. Je peux vous dire que c'est plus dur. Lakin de la dire aux autres, ce n'est pas compliqué. L'homme, le khariji, il a dit Nabi Sallam, ittaqillah. Nabi Sallam a dit, waihaka, wa man yattaqillah illam attaqi. L'autre, le khariji, il a dit Nabi Sallam, ittaqillah. Huwa min khawarij, c'est la tête de khawarij. Il dit Nabi Sallam, ittaqillah. C'est facile à dire. Nabi Sallam a dit, subhanallah, waihaka. Qui ne craint pas Allah si je ne le crains pas? Mais subhanallah, il ose dire ça à Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Quand je dis, c'est dur. Et en plus, c'est devenu un peu la mode ici. Même un frère, tu rigoles, le mot ittaqillah, c'est devenu à tel point, on le répète, à force, on ne sent plus. Salaf, il se peut l'homme, Omar ibn Abdul Aziz, un de sa communauté, ou Omar radiallahu anhu, il dit ittaqillah, peut-être il se prosterne pour Allah, qu'Allah il a fait que de sa communauté ou de son peuple, un qui lui dit ittaqillah. À tel point qu'Omar a dit la khayra fikum illam taqouluha, wa la khayra fina illam naqbala. Lakin nous, à force, ittaqillah, ittaqillah, oh, c'est devenu, c'est normal. Normalement, ittaqillah, c'est un mot qui doit passer dans le cœur. Wabah. Donc, il ne faut pas trop s'occuper des autres et tu t'oublies toi-même. Ce n'est pas compliqué de rectifier les autres. Commence par toi-même. Ibda bi nafsika thumma biman ta'ud. Allah Ta'ala qal ya ayyuhal ladhina amanu. Qu'u anfusakum, antum, naran, na'am, wa ahlikum, aqib wa sami. Naran wa quduha al-nas wa al-hijara. عليها ملائكة غلاظ شداد غلاظ في خلقتهم شداد في قلوبهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي رابورتي با الطبراني وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مثل العالم الذي يعلم الناس وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه. Celui qui enseigne la science aux autres, voilà, il leur donne le bien aux autres, il oublie, il s'oublie lui-même comme yani, une forme de lampe ou une bougie qui il donne la lumière pour les autres, mais lui-même il se conçut. Wabah. Donc c'est exactement ça. D'accord, tu donnes la science aux autres, mais toi tu t'oublies, donc il joue le but. Wabah. Donc, il faut commencer par soi-même. لهذا في الحديث الصحيح أن الذي خرجه الترمذي وهو صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن il y a 5 choses dans une version 4 dont Allah جل وعلا va nous poser des questions. C'est quoi parmi ces choses là وَمَاذَا عَمِلْتَ فِيمَا عَلِمْتَ. Qu'est-ce que tu as fait dans la science, par la science qu'Allah جل وعلا il t'a donné. لهذا قال أبو الأسود الدؤلي قال يعني يا أيها الرجل المعلم غيره أو celui qui t'enseigne des autres. هل نفسك كنت ذا التعليم أتراك تلقح بالرشاد عقولا صفة وأنت من الرشاد عديم لا تنهى عن خلق من تغدي باليجون عن كومبورتمون لا تنهى وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم فابدأ بنفسك وانهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم هناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك منفع التعليم أبغتيدهم وتبغتكي ستسيون سسخا بلو فاسيل بوركو نكسبت tes paroles. Et j'ai fini avec la parole de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a dit laysa al-ilmu bi kathrati ar-riwaya wa innama al-ilmu al-khashyah. C'est pas la science le fait de connaître beaucoup de hadith, laquelle la science c'est la crainte. Wa sadaqa rahimahullah. Et c'est ça le, il a vraiment résumé ce que Allah jalla wa ala il a dit que Nabi sallam a dit laysa al-ilm rapporter beaucoup, laquelle al-ilm c'est al-khashyah. Il faut que tu mettes en pratique. Et j'ai lu dans Iqtida, parmi les meilleurs livres écrits sur ça, et qui est le kitab de Khatib al-Baghdadi, Iqtida al-Ilm al-Amal, authentifié par Sheikh al-Albani, Aisha radiallahu anha, un jeune, il venait voir tout le temps Aisha pour qu'elle lui donne des hadiths. Et un jour, Aisha lui dit, Ya Bunaya, oh mon fils, qu'est-ce que tu as fait, surtout les hadiths, est-ce que tu as pratiqué les hadiths que je t'ai transmis depuis le temps? Il a dit, non, pas encore. Elle lui a dit, donc, tu t'arrêtes là. Les anna, yani, تكثر أوزارك وتكثر الحجة علي وعليك. Elle lui a dit pourquoi tu augmentes tes أوزار, يعني tes péchés le jour du jugement, et tu augmentes les arguments contre moi et toi. Vu que tu ne pratiques pas encore. Donc, ويدك ما كان. لكن là, il faut aller dans l'autre sens. Il ne faut pas dire que là, moi j'ai du mal à avoir la bonne intention, j'ai du mal à avoir la pratique, là je stoppe la science. هذا إبليس باب فتحه إبليس على المفاليس. C'est un piège très grave. Il ne faut pas tomber dedans. La science, essaye de l'acquérir. La solution, ce n'est pas d'arrêter la science car il n'y a pas la pratique. La solution, c'est d'étudier la science et de la pratiquer. C'est ça la solution. Ce n'est pas d'abandonner la science. Non, la solution, c'est d'avoir la pratique. Voilà, tu as fait l'effort pour la science, continue l'effort pour la pratique. Et comme ils disent, salaf, ilm al-munafiqi fi qawlihi wa ilm al-mu'mini fi fi'lihi. La science de l'hypocrite dans ses paroles. La science du croyant, c'est dans ses actes. Et c'est ça la différence. Et comme ils disent, علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. Une science sans acte comme un arbre sans fruit. Et Abu Huraira رضي الله عنه il dit que الذي لا يعمل بعلمه كمثل كنز لا ينفق فيه في سبيل الله. T'as une fortune, tu la dépenses pas exactement une science que tu l'as, pratique pas ou نعم. السلف يقول تعلمنا العلم لغير الله فأبى نعم عفوا يقول أن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Si tu pratiques la partie de science que tu connais, Allah il va te faciliter la partie que tu connais pas. Et ça c'est vrai. À tel point que les salafs disent كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. On a du mal à apprendre un hadith, qu'est-ce qu'on fait? On le pratique, alhamdulillah, on l'apprend tout de suite. Vous voyez ou pas? Donc ça implique dans les deux sens. J'apprends, quand je pratique, je vais encore apprendre plus. Wallah wallah. Et les paroles que j'ai citées, il y a un très bon livre que je conseille tous frères, salafi, wallahi, wa billahi, wa tallahi. Je conseille tous les frères à le lire et à le pratiquer. Un livre de Sheikh Awaj, hafidhahullah, qui s'appelle Wajiyy al-Hulal fi maratib al-ilm wal-amal. C'est un livre, Allahu Akbar, sur ce sujet. Je peux vous dire qu'il nous met en place tout de suite. Il s'appelle, je ne sais pas s'il est traduit encore, ça m'étonne. Wallah. Là, j'espère bien, car déjà, ils ont traduit pas mal de livres sur la médisance, sur Dua, sur Salat, pas mal de livres de lui, sur la mort du prophète, A.S.A.T.O.S.A.M. J'espère qu'il traduit celui-là. Sinon, un frère qui fasse l'effort, qui a l'arabe et le français, qui le traduise pour les frères. Il y a toutes les paroles que j'ai citées tout de suite. D'ailleurs, moi, je me suis basé sur ce livre-là pour faire ses cours, pour une bonne partie, surtout la deuxième partie. Ça s'appelle « Washiyy al-Hulal » في مراتب العلم والعمل الشيخ حسين عوايشة حقيقة ستنسيسيتي لأن apprend لكن il faut certainement s'arrêter et dire طيب d'accord qu'est-ce qu'il y a après il y a une temps qui attend il y a un jour du jugement après j'apprends في حلقة مفرغة je tourne dans un cercle fermé j'ai pas de but donc il faut bien avoir un but qu'est-ce que je vais faire avec la science acquérir sans rien faire non donc il faut que je sache la science déjà obligatoire par laquelle j'adore Allah Jalla wa'ala jour et nuit mon tawhid en premier, après ça, et après la science, petit à petit, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa'ala nous facilite, et aller apprendre la science auprès des ulama, et là, ils vont bien nous orienter vers le bon chemin. Jazakum Allah khair. On a sallallahu Jalla wa'ala bi asma'i al-husna, wa sifatihi al-ula, et ajalani wa iyaakum min yastami'una qawla fi yattabi'una ahsana, innahu Jalla wa'ala jawadun kareem, sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad.